السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ce qui suit est une tentative de traduction d'une conférence téléphonique donnée par le noble Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali à l'attention des frères de la ville marocaine de Tantane en date du 19 du mois d'Al-Muharram de l'an 1439 de l'Hégire. Cette intervention avait pour titre Al-Barakatu ma'a akabirikum, la bénédiction est avec vos aînés. Nous allons tenter, durant ces quelques minutes qui nous réunissent, de restituer les grandes lignes de cette conférence très bénéfique. Et j'attire l'attention vers le fait que ce n'est pas une traduction mot à mot, mais je vais cependant tenter, en demandant l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, d'être le plus fidèle possible aux propos du noble Cheikh Mohammed ibn Hadi, qu'Allah le préserve et allonge son existence dans son obéissance à Azza wa Jal. Le Cheikh a commencé en insistant sur le fait que le savoir, al-ilm, est un bienfait venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, un bienfait qu'il accorde à qui il veut. Et seuls ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la connaissance se rendent compte réellement de son ampleur, à l'inverse de ceux qui n'y ont pas goûté. Ceux qui jouissent de ce bienfait-là doivent donc adresser les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, jour et nuit, aussi bien en privé qu'en public. Ce bienfait, lorsqu'il est obtenu d'une manière religieusement conforme, il est effectivement un bienfait. Mais il peut devenir une catastrophe lorsqu'il est recherché d'une manière qui n'est pas conforme aux préceptes de la religion. La voie correcte menant au savoir authentique, c'est de l'apprendre auprès des plus grands ulama, en cherchant activement à prendre part à leurs assises et en les prenant comme modèle, aussi bien au niveau du comportement que des différentes manières, car c'est auprès d'eux qu'est la bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La bénédiction est avec vos aînés ». On se doit donc de chercher à acquérir des bases solides en matière de savoir. Et ces bases solides se trouvent auprès des spécialistes du savoir. On se doit donc de chercher à l'apprendre auprès d'eux, de même que l'on se doit de chercher à le transmettre d'eux. En plus du savoir que l'on obtient en fréquentant les assises des plus grands ulama, on apprend auprès d'eux les bonnes manières. Les grands ulama réunissent âge avancé et savoir enraciné. Et ce sont eux qui sont visés par ce qualificatif utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vos aînés. La bénédiction est avec vos aînés. A l'inverse, fait partie de la bêtise de considérer certains jeunes étudiants qui prennent les devants dans l'enseignement et la prédication, alors qu'ils n'ont étudié qu'un ou deux chapitres du savoir et qu'ils n'ont peut-être pas achevé l'étude d'un livre condensé dans le savoir, fait partie de la bêtise de les considérer comme étant des ulama, des savants pédagogues, des ulama rabbaniyoun. Cette expression-là désigne les ulama qui enseignent aux gens les questions les plus fondamentales et rudimentaires avant d'aborder avec eux les questions plus complexes. Cette expression donc utilisée par le Cheikh vise cela. Il a donc dit que c'était partie de la bêtise de considérer de jeunes étudiants qui prennent les devants alors qu'ils n'ont pas achevé peut-être la lecture d'un livre. L'étude d'un livre fait partie de la bêtise de les considérer comme étant des ulama pédagogues. Gonfler les jeunes de la sorte et le fait que la jeunesse se réunisse autour d'eux et les entoure ne leur procurera aucun bien dans leur parcours et se retournera même contre eux. Et si ces jeunes étaient raisonnables, ils sauraient ce qu'il en est du fait de se mettre en avant en présence des plus anciens, en présence des aînés. Le Cheikh ici, de faire mention d'un récit dans lequel on retrouve Abdullah ibn Mubarak et Sufyan ibn Uyayna. Ibn al-Mubarak a été questionné en présence d'Ibn Uyayna et il dit, c'est-à-dire Ibn al-Mubarak, nous a été interdit de nous prononcer auprès de nos aînés. Le Cheikh continue en disant que se mettre en avant mène l'étudiant, se tenant loin des ulama, qui ont pourtant consacré leur vie à l'apprentissage et qui sont reconnus, de même que leur intégrité et leur aura, ainsi que la qualité de leurs analyses et la fermeté de leur position. Cela mène donc l'étudiant à la perte. Le fait qu'il se mette en avant devant ces ulama-là le mène à la perte. Ces ulama-là qui réunissent ces quelques caractéristiques que le Cheikh a citées sont ceux à qui on doit être fidèle. Ils sont les plus anciens parmi les gens de savoir, qui ont réuni savoir et mérite. Les plus anciens parmi les ulama, les épreuves de ce bas monde leur ont donné l'expérience et ont fait apparaître leur valeur. Tous ces éléments leur ont fait atteindre ce que les jeunes n'ont pas atteint. Et c'est à ces ulama qu'il faut être fidèle, car la bénédiction est en leur compagnie. Ils sont, ces ulama, dévoués, loyaux, pleins de compassion et cherchant autant qu'ils peuvent à écarter des musulmans toute forme de mal. Il est donc obligatoire de les respecter et de chercher à tirer profit d'eux et de leur savoir. Et c'est là une sunna suivie par nos anciens, comme on le retrouve dans ce récit d'Ibn al-Mubarak et de Sufyan ibn Uyayna. Ils doivent être suivis, respectés, chercher à tirer profit d'eux dans tous les domaines, aussi bien au niveau de l'enseignement que de l'éducation, encore au niveau de leurs conseils qu'ils peuvent prodiguer. A l'inverse, se diriger vers les petits, alors que les plus grands, les aînés, sont présents, cela mène à la perte. Cela mène à la perte les suiveurs au début. Et même à la perte celui qui est suivi par la suite, s'il se retrouve gonflé et grossi alors qu'il n'est rien. Ibn Mas'ud réprouvait cela, car il savait à quoi cela peut mener. Il disait, radiyallahu anhu, les gens ne cesseront d'être bien tant que le savoir leur parviendra de leurs aînés et ancêtres. Par contre, lorsqu'il leur parviendra de la part de leurs petits, ils périront. Le Cheikh, le grand érudit, Ibn Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été questionné à propos de ce qualificatif, les petits. Est-ce que ce sont les petits en âge qui sont visés, ou est-ce que ce sont les petits en savoir? Et le Cheikh a répondu que ce sont les deux, aussi bien les petits en âge que les petits en savoir. Car les petits en savoir n'ont pas acquis les connaissances nécessaires, alors que les petits en âge n'ont quant à eux pas acquis l'expérience qui leur est indispensable. À la base, ce qualificatif, donc après avoir cité ces réponses du Cheikh Ibn Uthaymeen, le Cheikh Mohammed Ibn Hadi continua en soulignant le fait qu'à la base, ce qualificatif, c'est-à-dire le qualificatif de petit, est utilisé pour désigner les partisans de l'hérésie, al-bid'a, l'innovation en religion. Mais ce qualificatif désigne aussi ces jeunes qui n'ont que très peu de savoir et qui viennent avec des choses étranges et marginales, puis voudraient que les gens les suivent dans tout ce qu'ils disent. Comment un ignorant pourrait-il être considéré comme étant un savant, un alim? Comment pourrait-il être considéré comme un érudit, un allama? Et à plus forte raison, comment pourrait-il être considéré comme étant un pédagogue, un rabbani? Toutes ces prétentions-là sont présentes de nos jours et sont les causes de beaucoup de maux, sont les causes de beaucoup de querelles et de beaucoup de divergences entre les gens, car on ne trouve chez ces jeunes-là ni savoir, ni expérience. Et quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve du fait que, bien souvent, la jeunesse est synonyme de manque de savoir et d'expérience? Le Cheikh donc de dire, quelle est la preuve? En rappelant qu'il a pris l'engagement auprès de ses élèves qui prennent part à ses assises et auprès de ceux qu'il est amené à rencontrer, de citer les preuves de ce qu'il avance. Le Cheikh donc de répondre à cela en disant que on compte parmi les preuves de ce qu'il avance le hadith des Khawarij. En les disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils sont jeunes en âge et faibles d'esprit. Jeunes en âge et faibles d'esprit. La jeunesse est synonyme de manque d'intelligence, ce qui rend difficile la distinction entre les choses équivoques et ambiguës, et rend difficile la connaissance correcte des questions d'envergure, sans parler des événements complexes touchant tout ou partie de la communauté, c'est ce que l'on appelle al-nawazil. Le Cheikh continue en disant que al-Khatib al-Baghdadi, dans le conseil qu'il adressa aux adeptes du hadith, Nasihatu Ahli al-Hadith, fit mention des explications de la parole d'Ibn Mas'ud, celle qu'on a tenté de traduire précédemment, qu'a cité le Cheikh. Donc Al-Khatib al-Baghdadi a fait mention des explications données par Ibn Qutayba de la parole d'Ibn Mas'ud. Et Ibn Qutayba a dit, j'ai été questionné à propos du fait qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, les gens ne cesseront d'être bien tant qu'ils acquerront le savoir de leurs aînés. Il visait par là que les gens ne cesseront d'être dans le bien tant que leurs ulama seront les shaykhs et non les nouveaux venus. Tant que leurs ulama seront les shaykhs et non les nouveaux venus, c'est-à-dire ceux qui parmi eux sont les plus jeunes. Le shaykh de dire qu'il a dit vrai. En effet, on se rend compte que lorsque l'on se réfère aux plus grands, leur discours est uni. Et cela favorise l'union du discours. Par contre, ces nouveaux venus, dénués de savoir, donc littéralement dénués de capital, as-sa'afiqa, c'est le terme utilisé donc par le shaykh, as-sa'afiqa littéralement, ce sont ceux qui n'ont pas de capital. Donc ici, dans le contexte, ce sont ceux qui sont dénués de savoir. Donc avant cela, le shaykh a dit que on se rend compte que lorsqu'on se réfère aux plus grands parmi les ulama, leur discours est uni. Par contre, lorsque ce sont les nouveaux venus dénués de savoir, as-sa'afiqa, qui prennent la parole, cela a comme répercussion l'apparition de nombreux maux, de nombreuses calamités et de nombreux troubles et dissensions. Ajoutons au manque de savoir et d'expérience qu'accusent ces jeunes nouveaux venus, la précipitation et le fait que les penchants de l'âme prennent bien souvent le dessus sur eux. Alors que les cheikhs au savoir enraciné sont loin de tout cela. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve dans la suite des propos d'Ibn Qutayba, qui, en expliquant la parole d'Ibn Mas'ud, a souligné également cela, en disant de plus du fait de son expérience, il a dit, excusez-moi, dans la suite de ce que l'on a commencé à citer précédemment, en effet les penchants, l'arrogance, la précipitation et la bêtise inhérente à la jeunesse sont absents du cheikh. De plus, du fait de son expérience, le savoir de ce dernier n'est pas entaché d'ambiguïté. De même que les penchants de l'âme ne prennent pas le dessus sur lui. Dans le sens où, avec l'expérience, le savoir, la pondération, le cheikh qui a atteint un âge avancé ne voit pas d'ambiguïté venir se mêler à ses connaissances. À l'inverse du jeune, sur qui les penchants de l'âme prennent le dessus. Et on retrouve justement cela, comme l'explique le cheikh Mohammed, dans le fait que bon nombre d'entre eux ferment les yeux sur certaines personnes qui sont pourtant les causes de calamités apparentes, aussi grandes que le mont Uhud. Tu vois ces jeunes fermer les yeux sur les agissements de ces personnes-là pour la seule raison qu'ils sont de leur côté. Et tu vois qu'ils ne s'allient à eux que pour cette raison, et pas par souci religieux, ni pour défendre la vérité. Ajoute à tout ce qui a été cité précédemment, l'opportunisme, et c'est ce que l'on retrouve justement dans la suite des propos auxquels d'Ibn Qutayba, auquel le cheikh Mohammed Ibn Hadi a fait référence en disant, l'opportunisme ne le fait pas dévier. L'opportunisme ne fait pas dévier donc le cheikh. De même que Satan ne réussit pas à l'induire en erreur comme il le fait avec les plus jeunes. Ajoutant que l'âge est accompagné de la prestance, du charisme et de l'aura. Par contre, le plus jeune peut être atteint par ces choses dont le cheikh est à l'abri. Or, lorsqu'elle commence à toucher le plus jeune et qu'il se met à délivrer des fatwas, il périt et cause la perte des autres. Donc, le cheikh de dire qu'on peut ajouter à toutes ces caractéristiques-là l'opportunisme. Et pour expliquer cela, Cheikh Mohammed Ibn Hadi a mis en évidence le fait que, à ce niveau-là, nous pouvons voir des choses ô combien graves et étranges de la part de certains individus qui vendent leur religion pour des parts de ce bas monde. Pourtant, tu vois ces jeunes dénués de savoir, littéralement de capital, as-sa'afiqa, s'allier à eux pour la seule raison qu'ils sont du même bord. Ce n'est pas le souci de la religion, de l'obtention de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas non plus le souci d'être loyaux à l'égard des musulmans, mais c'est plutôt le fait ici de satisfaire ces gens opportunistes. Et nous retrouvons donc à nouveau le fait que les penchants de l'âme prennent le dessus sur le jeune, alors que ce n'est pas le cas avec le cheikh avancé en âge. Le cheikh ici de continuer en disant qu'une question se pose, et avant de l'aborder, je vous invite à retourner vers les paroles d'Ibn Qutayba et d'Al-Khatib, auquel j'ai fait référence. Le cheikh donc de dire, écrivez-les et méditez-les, vous y trouverez la confirmation de ce dont je vous fais part. La question qui se pose est, pourquoi Satan ne réussit pas à induire en erreur le cheikh comme il réussit à le faire avec le jeune? La réponse, c'est que avec l'âge, comme l'a dit Ibn Qutayba, on trouve la prestance ainsi que le charisme et l'aura, et la résolution, qualité que le jeune n'a pas. C'est pour cela que lorsqu'il commence à prendre la parole dans la religion et à délivrer des fatwas, il périt et fait périr les autres en troquant sa religion pour une part de ce bas monde, à l'inverse du cheikh. Qui sait que sa fin est proche et qui se prépare pour l'au-delà et n'espère plus rien de ce bas monde? Le cheikh Mohammed de continuer en disant que bien souvent le jeune change de couleur. Il peut être amené à changer tous les jours de couleur. Aujourd'hui il est sur le droit chemin, il est possible que demain il soit tout retourné. Une autre question se pose. Quand est-ce que les gens sont bien et quand est-ce qu'ils sont corrompus? Omar a répondu à cette question. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a répondu à cette question. Et il a dit, en abordant lui-même le sujet, « J'ai certes su quand est-ce que les gens seront bien et quand est-ce qu'ils seront corrompus. Lorsque la connaissance de la religion viendra des jeunes, ils s'en serviront pour désobéir à leurs aînés, alors que lorsqu'elle leur parviendra des plus anciens, ils seront tous bien guidés. » Le cheikh Mohammed de continuer en disant, « Cher bien-aimé, il est obligatoire de chercher à prendre part aux assises des grands ulama, et il est impératif de se méfier des assises des plus jeunes. Bien souvent, on trouve chez les jeunes de la versatilité, ce qui se manifeste dans le fait qu'ils se taisent sur le faux que l'on peut retrouver chez leurs proches, et ce qui se manifeste également dans le fait qu'ils n'acceptent pas la vérité de celui qui la présente s'il n'est pas de leur bord. Et tout cela, répétons-le, est la cause de beaucoup de maux à notre époque. Et ce n'est pas là la parole de Mohammed ibn Hadi, mais c'est plutôt la parole des anciens de cette communauté. Saïd ibn Jubayr a été questionné, quand est-ce que les gens périront? Il répondit, lorsque leurs ulama disparaîtront. Al-Hassan al-Basri a dit à propos de la disparition des ulama, le décès du savant est une brèche dans l'islam que rien ne viendra combler tant que le jour et la nuit se succéderont. Et on trouve également dans d'autres narrations que Al-Hassan a attribué ses propos à Ibn Mas'ud. Dans le même registre, il est rapporté qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit à propos du verset أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. Ne voit-il pas que nous nous présentons à la terre et diminuons de ses extrémités? Il est rapporté qu'il a dit, en explication de ce verset, qu'il s'agit du décès des ulama. Toutes ces caractéristiques inhérentes aux grands cheikhs et savants que l'on a pu citer sont autant de remparts qui dissuadent ceux qui prennent part à leurs assises d'outrepasser leurs limites par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout cela va avoir un impact sur le cheminement de ceux qui prennent part aux assises de ces grands ulama. Il est donc obligatoire d'accorder toute l'importance nécessaire à cela et de chercher à acquérir le savoir de ces spécialistes, des ulama, qui sont ces fins analystes qui ont consacrer leur vie à l'apprentissage et à l'enseignement du savoir religieux. De même qu'il est impératif de délaisser l'apprentissage auprès de ces jeunes qui commencent à nous envahir par-ci et par-là, et qui ne sont pas connus pour avoir été assidus dans leur apprentissage et qui ne sont pas connus pour avoir approfondi leurs connaissances de manière assidue. Certains d'entre eux deviennent des cheikhs du jour au lendemain. C'est là une tendance inquiétante. Rappelons-nous que la bénédiction est avec vos aînés. Comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve avec les aînés le savoir, la sagesse, la pondération, l'absence de précipitation, de même que on trouve chez eux qu'ils ont un regard lointain, portent un regard lointain sur les choses. Ils portent un regard lointain sur les affaires qui se présentent à eux et qui leur sont soumises. Et c'est en revenant à eux que l'on obtient réellement le savoir. Ils sont les analystes de référence et ce sont leurs fatwas qui doivent être prises en considération. Il n'est pas permis de négliger cela. Surtout à une époque où l'accès aux différents moyens de communication est facilité. Et le premier venu peut communiquer avec Shir Untel et Shir Untel. Et lorsque tu es amené à rencontrer physiquement le Shir Untel en question, tu te rends compte que ce n'est qu'un jeune. Avec tout ce que cela peut engendrer. Il est donc impératif de revenir réellement aux gens de savoir. Rabi'a, le cheikh de l'imam Malik, il est un récit qui est rapporté de lui. Il est rapporté qu'un homme s'est introduit auprès de lui un jour et l'a trouvé en train de pleurer. Il lui dit alors, qu'est-ce qui te fait pleurer? Et il s'inquiéta de ses pleurs. Et continua en demandant, as-tu été touché par une catastrophe? Rabi'a répondit non. Mais il a été demandé à un individu dénué de savoir de délivrer une fatwa. Et c'est alors qu'une chose énorme est apparue dans l'islam. Après avoir cité cette parole de Rabi'a, Cheikh Mohammed ibn Hadi, de dire La ilaha illallah. Il disait ça à son époque. Qu'en aurait-il été à notre époque? L'époque où ces nouveaux venus, dénués de savoir, prennent la parole et sont mis en avant. Qu'aurait-il dit? Il est impératif donc de bien assimiler tout cela et de savoir vers qui revenir. Revenir vers les savants, vers les plus grands des savants. Le savant, comme l'a défini Al-Shatibi, est celui en faveur de qui les savants, Al-Ulama, eux-mêmes témoignent. Sinon, on continue à considérer la personne sur la base du fait qu'elle ne fait pas partie des savants jusqu'à ce que les ulama référencent, témoignent de son savoir. Alors que cette personne connaît d'elle-même la réalité de ce dont il témoigne. Lorsque les ulama témoignent en faveur de ceux qui ont étudié auprès d'eux, alors effectivement nous les considérons comme tels. Ce sont auprès des savants profitables que nous devons chercher à étudier. Et ce sont d'eux que nous devons chercher à acquérir le savoir. Puis le shir de citer ces quelques vers en disant فَمَا حَوَى الْغَايَةَ فِي أَلْفِ سَنَةٍ شَخْصٌ فَخُذْ مِنْ كُلِّ فَنٍ أَحْسَنَةٍ بِحِفْدِ مَتْنٍ جَامِعٍ لِلْرَاجِحِ تَأْخُذُهُ عَلَى مُفِيدٍ نَاصِحِ. Dans ces deux vers, un certain nombre de réalités, de principes et bienséances qui doivent impérativement être connues et observées sont réunis. C'est ainsi que l'on retrouve dans ces deux vers-là que on ne pourra jamais acquérir le savoir dans sa totalité. Cela est une réalité. Trouve également qu'à partir de là, convient de chercher à apprendre de chaque science ce qui en est de meilleur. De même qu'on trouve dans ces quelques vers que l'apprentissage de cela passe par la mémorisation de textes condensés, ce que l'on appelle al-mutun. De même qu'il convient de choisir parmi ces textes condensés ceux qui sont à la fois complets et basés sur les avis les plus forts. On trouve également le fait que ces textes condensés, al-mutun, doivent être étudiés auprès d'un enseignant profitable, mufid et loyal. Nasih. Et justement, donc, le shaykh Mohammed ibn Hadi en est arrivé à expliquer ce qui est visé par al-mufid, donc celui qui est profitable, le savant qui est profitable. Et il a dit que c'est celui qui est reconnu par les gens comme étant profitable, et celui de l'habilitation de qui les gens de savoir attestent. Celui qui est reconnu par les gens, bien sûr les gens ayant un minimum de compétences, les gens raisonnables ayant un minimum de compétences et de savoir religieux. Celui qui est reconnu par les gens comme étant profitable, ou celui de l'habilitation de qui les gens de savoir attestent. Mais on trouve que, à l'inverse de ces exigences-là, un certain nombre d'agissements et de discours surprenants deviennent courants de nos jours. Certains de ces nouveaux venus, n'ayant que très peu de savoir, prétendent de vouloir éduquer, comme ils disent, leurs enfants, dans le sens de leurs élèves, alors qu'eux-mêmes ne sont toujours que des enfants et n'ont pas éduqué leurs propres âmes. Comment quelqu'un qui n'a pas éduqué sa propre personne pourrait-il éduquer autrui? C'est là quelque chose de navrant. Et tout cela est bien malheureux. Le shir de continue en disant: je voudrais vous faire part d'une parole d'Ibn Rajab que j'ai retenue dans le sens, pas forcément dans les termes, et que vous pouvez retrouver dans le livret intitulé Fadl Ilm Salaf. Ibn Rajab a dit: nous avons été éprouvés à notre époque, donc il parlait de la sienne. Il disait donc: nous avons été éprouvés à notre époque par des ignorants qui ont la conviction que, du fait qu'ils allongent leur discours, certains individus sont plus savants que ceux qui les ont devancés. Et s'il en était ainsi à l'époque d'Ibn Rajab, et si Ibn Rajab dressait ce constat à son époque, alors à plus forte raison à la nôtre. À notre époque, l'époque de ces gens cachés derrière leurs écrans et qui n'ont qu'à faire des copier-coller, un copier-coller par-ci, un copier-coller par là, en faisant comme s'ils avaient consacré leur vie à l'apprentissage du savoir et à son enseignement, alors qu'ils ne font que voler ce qu'ils publient ici et là. Ces nouveaux moyens-là, technologiques, sont donc la cause du fait que ces gens-là sont considérés comme étant des cheikhs alors qu'il n'en est rien. Pendant que tu vois les ulama au savoir enraciné dire, lorsqu'ils sont questionnés sur certains sujets, la vie authentique dans tel sujet est telle, ou la vie prépondérante dans tel sujet est telle, afin de ne pas perturber l'esprit du questionneur, comptant parmi le commun des musulmans, ou comptant parmi les étudiants, novices et débutants, pendant que les ulama donc répondent de la sorte, de manière pédagogue, en disant: la vie authentique dans tel sujet est telle, ou la vie prépondérante dans tel sujet est telle. Pendant ce temps, tu trouves que ces jeunes répondent aux mêmes questions en disant: il y a 10 avis dans la question. Le shir donc Mohammed ici de dire: qu'a donc à voir le questionneur novice, ou comptant parmi le commun des musulmans, parmi les étudiants débutants? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec cela? Tout cela ne fait que les disperser et les perturber. Mais après ça, tu trouves que les ignorants considèrent ces gens plus savants que ceux qui les ont devancés. Et nous demandons à Allah de nous épargner. Le cheikh de continuer et de clôturer en disant, en rappelant ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait, lorsque les affaires seront renvoyées à ceux qui ne sont pas aptes à les gérer, alors attends-toi à l'avènement prochain de l'heure dernière. Et fait d'ailleurs partie des signes de l'avènement prochain de l'heure que le savoir soit recherché auprès des petits. Et nous avons précédemment vu ce que désigne ce qualificatif. Le cher donc de continuer et de conclure en disant « Je vous recommande donc vivement, cher bien-aimé, de chercher à acquérir le savoir auprès des plus grands ulama, de même que je vous recommande vivement de vous méfier des assises de ces nouveaux venus et de ces jeunes, afin que vos bases soient solides et que vous soyez sûrs de vos connaissances et afin que vous preniez des précautions dans l'apprentissage de votre religion. » Et c'est sur cela que se termine cette tentative donc de restitution des propos du cheikh Mohammed Ibn Hadi, et je vous invite à revenir vers sa conférence dans son intégralité. Pour ceux qui ont accès à la langue arabe, ceux qui n'y ont pas accès, je vous incite vivement à fournir les efforts nécessaires afin de l'apprendre, sachant qu'il y a également certaines fatwas que le cheikh a délivré à la fin de cette conférence. Et j'aurai l'occasion durant les jours qui viennent, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, de publier des traductions écrites des quelques textes et récits cités par le cheikh Mohammed, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et qu'il le récompense. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين